Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Gemozo, parce que Gemozo, c'est parce qu'on habite, on a émis depuis près du ruisseau du Gemozo, disons, hein, au-dessus de rue, à une certaine époque. Mais il y avait un temps de ça, hein, et davantage. Alors maintenant, on continue à s'appeler RGM, ça ne veut plus rien dire, mais bon, c'est RGM, hein, voilà. Alors, ce qui compte, c'est le contenu, le titre, bon. Peu importe. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier des esclavages et des libérations, oui, pas seulement le calendrier tout court, hein, le calendrier des esclavages et des libérations. Hein. Alors, au programme, donc, avec Macron, c'est le beurre et l'argent d'Uber, U-B-E-R, dit Adrien Quatennens, ce qui plaisante, hein, certainement, un petit peu, oh oui. Et puis du cadmium dans les engrais phosphatés, oui. Et puis d'autres produits aussi, hein. Voilà. Alors le débat Mélenchon-Zemmour par Adrien Quatennens qui analyse les choses très froidement, très méticuleusement, hein, oui, et de façon assez courte, hein. Vous voyez, Adrien Quatennens, il parle peu, mais il parle bien. Il parle juste, lui, contrairement à un certain nombre de personnalités, entre guillemets, politiques, qui parlent beaucoup pour ne rien dire, et malgré qu'on les paye cher. Les origines, juifs, musulmans, chrétiens, alors là c'est un long passage sur les religions en général, ce qui les fait se ressembler, ce qui fait qu'elles ont la même origine, enfin voilà, bon, je vous raconte pas tout, il suffira d'écouter. Ensuite, Jean-Yann et Daniel Prévost, Le Manifestant, ah oui, un sketch de Jean-Yann et Daniel Prévost, alors c'est quelque chose de sûrement très sérieux, hein, parce que ces deux lascars, là, Jean-Yann et Daniel Prévost, hein, c'était des gens qui se prenaient très au sérieux et qui prenaient tous les sujets au sérieux, bien sûr. C'était pas des humoristes, hein. Oh non. Ils auraient été dignes de faire partie d'un gouvernement. Je sais pas lequel, mais enfin, ils auraient joué leur rôle. Jean-Luc Mélenchon sur RMC, Radio Monte Carlo, émission Les Grandes Gueules. Ensuite, encore lui sur un autre sujet, toujours Les Grandes Gueules. Et puis voilà, une chanson par exemple Daniel Guichard, Mon Vieux. Et puis Vivre pour des idées. Et puis etc. Voilà, il y aura des chansons, hein. Et puis une petite revue de presse pour finir. Voilà. Calendrier des esclavages et des libérations. Ben oui, c'est le titre de cette émission. Que s'est-il passé le 11 octobre ? Eh bien, le 11 octobre 1831, par exemple, en France, à Lyon, les ouvriers de la soie, les canuts, travaillent de 5 heures du matin à 11 heures du soir pour un salaire de misère. Le tribunal des prud'hommes prend la délibération suivante. Considérant qu'il est de notoriété publique que beaucoup de fabricants payent des salaires fort minimes, considérant que dans les circonstances actuelles, il importe d'ôter tout prétexte à la malveillance et de maintenir la tranquillité de la classe laborieuse, le Conseil décide qu'un tarif minimum soit fixé. 1864, Autriche, à Vienne, naissance de Franz Schulmeier, pionnier de la justice sociale. Pionnier de la justice sociale. 1869, au Canada. dans la région de la rivière Rouge. Le jeune Louis Riel, à la tête d'un groupe de métis, disperse une équipe d'arpenteurs canadiens qui prépare l'accaparement de la terre par les promoteurs. La révolte des métis commence. 1919, Espagne. Un décret royal établi par la Catalogne, une commission mixte de travail. Elle a pour but de résoudre les conflits ouvriers. La Confédération nationale du travail l'accepte en principe. 1941, URSS, Allemagne. Les armées de Hitler approchent de Moscou. Les femmes et les enfants de la capitale sont évacués. Mais le froid viendra à bout de l'armée allemande qui n'entrera jamais à Moscou. Napoléon avait déjà... hein, voilà. 1945, Japon. Promulgation de décrets de réforme concernant la liberté d'association des ouvriers et la libération des femmes. 1948, France. Rappel des réservistes contre les grévistes. Rappel des réservistes contre les grévistes. C'est le calendrier des esclavages et des libérations. Je rappelle le titre. 1982, Bolivie. Le nouveau commandant en chef prête serment au président Siles Suazo. Il affirme que les forces armées ne trahiront pas les espérances du peuple bolivien. 1982, Guatemala. Amnesty International affirme que 2600 paysans, pour la plupart des Indiens, des femmes et des enfants, ont été assassinés depuis la prise du pouvoir du général Efrain. Rios monte le 23 mars. L'armée pratique la politique de la terre brûlée et regroupe les populations pour mieux les contrôler. 1982, Pologne. Suite à la dissolution du syndicat Solidarité, les ouvriers des chantiers de Gdańsk se mettent en grève. De violents affrontements ont lieu dans la ville. 1983, Chili, sixième journée de protestation à l'appel de l'extrême gauche et du Parti communiste. 80 000 personnes se rassemblent à Santiago. Tous les slogans sont à la gloire d'Allende et de l'unité populaire. 1984, Yougoslavie. 13 Albanais du Kosovo sont condamnés pour terrorisme ou propagande. Ils sont membres d'un comité du Kosovo pour la protection du droit des Albanais en Yougoslavie. Alors malheureusement, mon petit livret s'arrête à 1984. Mais depuis 1984, il s'en est passé des choses. Du bon et du pas bon. Du très bon et du très mauvais. Il sent son cœur. La parole est à Monsieur Quatennens pour la France insoumise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ça paraît anodin de commander un repas et de se le voir livré par un livreur à vélo désormais, de commander une course avec un chauffeur VTC. C'est pratique, il y a de la demande, mais combien parmi ceux qui commandent sont véritablement au courant de la vie que vivent celles et ceux qui leur rendent ce service? Combien savent qu'ils ne bénéficient pas des congés payés, qu'ils ne bénéficient d'aucune protection sociale, pas plus du droit du travail? Évidemment, ce modèle des plateformes va s'étendre à bon nombre de secteurs, c'est déjà le cas, et vous allez l'encourager. On va donc voir ce genre de service se développer dans ce modèle économique particulier, dans bien d'autres secteurs d'activité que ceux qu'ils occupent déjà. Et ce système, ce modèle, repose sur un avantage concurrentiel totalement déloyal. Le succès des plateformes repose sur un avantage concurrentiel déloyal, à savoir le non-versement de cotisations sociales en raison du recours à des indépendants qui n'en sont pas, j'y reviendrai, qui permet de faire des économies substantielles par rapport aux taxis ou aux autres entreprises traditionnelles de livraison. La stratégie des plateformes est connue: casser les prix, quitte à perdre de l'argent pour évincer la concurrence et bénéficier ensuite de la rentabilité grâce à une position hyper dominante. La Cour de cassation a confirmé le 4 mars 2020 la décision de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2019, estimant que le lien qui unissait un ancien chauffeur Uber était bien un contrat de travail. Elle acte l'existence d'un lien de subordination entre le chauffeur et Uber lors de la connexion à la plateforme numérique. C'est bien un travail subordonné dont il s'agit. En construisant avec ce projet de loi un cadre spécifique à cette activité, le gouvernement entérine le fonctionnement actuel de ces plateformes et institutionnalise l'ubérisation qu'il appelle de ses vœux. Bien sûr, vous appelez à des élections nationales par vote électronique, à des garanties pour les personnes élues, et en apparence, cela pourrait représenter une avancée pour les indépendants. C'est en fait, en réalité, la création d'un précariat massif qui ouvre une brèche dangereuse. À terme, c'est bien un statut tiers d'indépendant avec certains droits et protections liées au salariat qui verra le jour à rebours du modèle de salariat stable. Les positions des plateformes sont connues, elles sont hyper favorables à votre texte de loi. Elles se sont d'ailleurs déclarées satisfaites. Alors que tout indique que le passage au salariat est la meilleure des solutions écartées par pure idéologie. Vous nous objectez le fait que les travailleurs des plateformes ne souhaitent surtout pas du salariat. La vérité, c'est qu'on confond souvent celles et ceux qui complètent leurs revenus par le recours à ces plateformes et celles et ceux qui sont exclus de l'emploi et qui sont hyper dépendants de ces plateformes. Oui, beaucoup d'entre eux souhaitent bénéficier des mêmes droits que ceux des salariés, ce que vous ne souhaitez pas leur accorder. C'est une situation de dépendance, de fragilité économique, et vos choix sont à rebours de ce qui se fait dans bon nombre de pays ailleurs en Europe. Des décisions importantes ont été prises dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas. L'Espagne est allée plus loin encore en introduisant la présomption salariale pour les livreurs à vélo après concertation avec les partenaires sociaux. Les plateformes ont ainsi été obligées de salarier leurs travailleurs avant le 12 août 2021. Votre choix, c'est d'entériner l'acceptation d'une concurrence totalement déloyale. Les modalités concrètes du dialogue social sont renvoyées une nouvelle fois à des ordonnances qui nous rappellent les premières heures du quinquennat sur le code du travail, ce qui nuit à la précision de l'appréciation que nous pouvons en faire. Mais surtout, et alors que vous aviez fait campagne il y a quelque temps sur l'Europe qui protège, vous êtes ici en contradiction complète avec ce qui a été décidé la semaine dernière au Parlement européen. Et ce texte est donc en quelque sorte une diversion suite à l'échec cuisant que vous avez essuyé au Parlement européen. Oui, grâce à de nombreux parlementaires, dont ma collègue la parlementaire européenne Leila Shaibi, nous avons permis que le Parlement européen reconnaisse officiellement que le statut d'indépendant des plateformes, des chauffeurs Uber, est en quelque sorte une diversion. D'un côté, il y a celles et ceux qui souhaitent que les travailleurs aient accès aux congés payés, aient accès à la protection sociale, aient accès aux droits du travail. Il s'agit du Parlement européen qui s'est prononcé favorablement, de nombreux juges, des collectifs, des syndicats mobilisés depuis tant d'années sur ce sujet. Et de l'autre côté, il y a vous, Uber, Monsieur Macron, qui n'avez finalement qu'un mot en bouche. Avec vous, c'est le beurre et l'argent d'Uber. Merci. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, est vêtue de soleil et noyée de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait elle et lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel, dans le ciel de ma patrie. Salut, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des engrais phosphatés qui sont utilisés dans l'agriculture traditionnelle. Donc ce sont des carrières qui sont pour 80% de l'Europe à peu près, ça vient du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc on extrait des roches et par des procédés chimiques, on les transforme en engrais, ce qui permet d'avoir du phosphate afin d'enrichir le sol. Donc c'est des engrais qui sont minéraux puisqu'ils sont à partir de roches. Et le problème, c'est que dans ces roches phosphatées, on retrouve naturellement du cadmium, de l'arsenic et de l'uranium. Donc c'est au niveau de traces, mais c'est quand même pas terrible. Hein. Donc voilà, principalement du cadmium qui est vraiment un métaux lourd, vraiment toxique pour le corps. Donc tout ce qu'on peut éviter, on évite. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que en agriculture biologique, pour le bio, les engrais minéraux ne sont pas autorisés. Donc là, ces engrais phosphatés contenant du cadmium, ils sont pas en bio, donc une raison de plus encore au-delà des pesticides pour ne pas acheter du traditionnel et préférer le bio. Et voilà, en complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est gratuit ici dans la description, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Bonsoir, moi j'ai le sentiment que pour ce qui concerne Monsieur Zemmour, en effet, on a beaucoup manqué de propositions. Par exemple, dans la séquence sociale, il n'y a absolument rien eu sur le SMIC, sur les retraites. Si vous reprenez vraiment le déroulé de votre émission, je crois que vous pouvez par contre quantifier énormément de propositions concrètes qui ont été formulées par Jean-Luc Mélenchon. Non, moi, ce que je retiens de ce débat, globalement, c'est que finalement, ce qui a été mis à jour, ce qui a été mis en lumière par la confrontation d'idées qui était ô combien nécessaire face à Monsieur Zemmour, c'est à quel point les thèmes qu'il emploie régulièrement, de l'immigration, d'ailleurs, plusieurs de vos fact-checking l'ont vérifié, tourne finalement à l'obsession sur à peu près tous les sujets. C'est tout le temps la même marotte qui revient, un disque rayé, et finalement une vision, c'est vrai, assez triste, rabougrie, peu enthousiasmante de la France. Le moment le plus important pour moi, finalement, c'est la dernière question que vous avez posée aux deux débatteurs. Vous leur avez demandé, mais quelle est votre vision de la France en 2050? Et quand Jean-Luc Mélenchon a fait la liste des grands défis qui nous font face, et qui d'ailleurs s'imposent à toute l'humanité, je trouve qu'au regard de ces défis, qu'il s'agisse de la crise climatique, qu'il s'agisse de la répartition des richesses, toutes les obsessions de Monsieur Zemmour vont être en fait en quelque sorte dans un futur très proche reléguées à bien plus loin. Parce que nous allons devoir affronter, quoi qu'on pense de la couleur de peau, quoi qu'on pense de l'appartenance religieuse, ces défis qui vont s'imposer à nous toutes et tous. Donc il y avait d'un côté, je trouve en effet, des propositions, un horizon commun, et de l'autre une vision rabougrie de la France. Et je crois que ce soir, clairement, y compris sur son propre terrain, celui de Monsieur Zemmour, Jean-Luc Mélenchon l'a en effet écrasé en donnant à voir une identité de la France qui est identité républicaine. Ce qui fonde la nation française, c'est la République, et donc un contrat politique, liberté, égalité, fraternité. Et c'est précisément ça qui nous permet de faire France de tout bois pour affronter ces défis communs. La question derrière ce débat, il y a un enjeu qui est clair pour Éric Zemmour, qu'il est un peu pour Jean-Luc Mélenchon plutôt, qu'il est un peu moins pour Éric Zemmour, parce que pour l'instant, il n'est toujours pas candidat officiellement déclaré. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, le défi, il était clair. Il était de remonter aussi dans les sondages, dernier sondage qui montre Odoxa, qui montre qu'aujourd'hui que Éric Zemmour a pris de l'avance, a pris quelques points d'avance sur Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus crédité que de 6 à 7% face à 10% contre Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez réellement que le discours, les deux heures de ce soir, le discours qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon, il a pu réussir à convaincre des Français à sortir renforcés de ce débat? Écoutez, juste un mot sur les sondages, parce que là, vous dites 6, pourquoi pas, faites-vous plaisir, dites carrément 4%, comme ça, ça sera réglé tout de suite. Non, je vous donne le dernier sondage, Odoxa, alors effectivement, ça évolue chaque jour, ça évolue en fonction du contexte, là, je vous donne le dernier sondage d'aujourd'hui, donc... Non, Pardon, madame, mais pas seulement en fonction du contexte, si vous me permettez d'un mot, juste parce que c'est un peu technique, mais c'est important. Le sondage Odoxa dont vous parlez, par exemple, demande aux Français à qui ils l'interrogent sur leur intention de vote une note entre 1 et 10 sur leur certitude d'aller voter. Et si vous ne répondez pas 10 sur 10 à 7 mois de l'élection, vous disparaissez des résultats. Donc en fait, vous éliminez potentiellement beaucoup de votes à 7 mois de l'élection. Ça vous paraît être un détail, je ne cherche pas à me justifier là-dessus. On va être d'accord sur le sujet. Simplement, effectivement, les sondages à 7 mois de la présidentielle, effectivement, ce n'est pas les sondages. Oui, bien sûr. Mais quand vous répétez, madame, je vais répondre à votre question, mais quand vous répétez à une heure de grande audience qu'un sondage donne tel résultat, que vous le vouliez ou non, mais moi je pense que vous le voulez, vous installez une réalité politique qui n'en est pas une en réalité, qui est factice, voilà ce que je veux vous dire. Simplement, donc maintenant, vous m'interrogez sur la dynamique, est-ce qu'il y a en effet quelque chose qui se passe ce soir? Je crois d'abord que tous les sondages indiquent que Jean-Luc Mélenchon, dans l'espace politique de la gauche, pour le dire vite, est toujours en tête et dans un étiage qui correspond au niveau auquel nous étions à la même période dans l'élection précédente en septembre 2016. Donc oui, tout est conditionné à la participation populaire. Si j'en crois le nombre de réactions que nous avons vues ce soir, y compris ce hashtag qui tourne Victoire Mélenchon, et le fait que ce soir, à l'heure où je vous parle, nous venons de passer la barre des 250 000 soutiens citoyens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a une dynamique, et ce que je dis tout de suite à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore à cette heure, c'est que dans 7 mois, ceux qui ont profité à plein du quinquennat de Monsieur Macron, qui ont reçu beaucoup de cadeaux de sa part, les cadeaux fiscaux, ceux qui se sont beaucoup enrichis, soyez sûrs que ceux-là, ils vont aller voter pour en reprendre pour 5 ans. Le choix, c'est entre la rupture et la continuité. Si vous voulez de la rupture, si vous voulez que ça change et qu'on affronte les grands défis, il faut qu'on s'y mette toutes et tous. 7 mois, ça paraît loin. Tout le monde se dit, ouais, l'élection présidentielle, c'est pas demain. En réalité, 7 mois pour une échéance qu'on attend tous les 5 ans, c'est demain. Alors donc, pas de temps à perdre. J'invite toutes celles et ceux que Jean-Luc Mélenchon aura convaincus ce soir à passer à l'action et à nous rejoindre sur Mélenchon2022.fr parce que notre intention, contrairement peut-être à beaucoup d'autres candidats, c'est de gagner en 2022. Bon, voilà, la promotion est faite. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct avec nous, Merci. D'avoir réagi. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coups d'interrogatoires, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront: tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marins du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les 10 doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du dépit. Travaille aussi du képi. C'est ici, dans la région montagneuse du Hedjaz, à l'ouest de l'Arabie, que débute l'histoire commune des musulmans et des juifs. Là se situe la Mecque. En ce début du 7e siècle, c'est une ville sacrée bâtie autour du sanctuaire de la Kaaba. La majorité des Arabes sont polythéistes. Ils effectuent souvent des offrandes à leur divinité. Mais il y a aussi des juifs et des chrétiens. C'est à Médine, à 400 km au nord de la Mecque, que vivent la plupart des juifs du Hedjaz. Certains d'entre eux descendent des Hébreux ayant fui la Palestine après la destruction du Temple de Jérusalem. D'autres sont des Arabes convertis, car les conversions au judaïsme sont courantes à cette époque. Au début du 7e siècle, les Juifs de Médine font partie intégrante de la société arabe. Nous savons qu'il existait des communautés juives bien établies dans le Hijaz et qu'ils avaient peu ou prou le même mode de vie que les Arabes. Ils partageaient des philosophies semblables, ils écrivaient le même type de poèmes, ils avaient des idéaux communs. Par exemple, ils croyaient aux vertus masculines de la guerre, l'équitation, ce genre de choses. Et les deux communautés pratiquaient l'agriculture dans les oasis, ainsi que le commerce inter-oasis. De toute évidence, les tribus juives ressemblaient fort à n'importe quelle tribu arabe. Elles ne pratiquaient pas la même religion, c'est tout. De plus, avant l'islam, les tribus juives et non-juives qui étaient tout arabes en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de juifs et d'arabes. Les juifs et les autres, donc, étaient liés par tout un tas d'alliances, d'ententes et que sais-je encore. Nous savons que la judéité de ces gens n'avait pas beaucoup d'importance pour les Arabes. La société pré-islamique arabe était une société tribale. Donc une tribu pouvait affronter une autre tribu, non pas parce qu'elle était juive, mais parce qu'il s'agissait d'une autre tribu. Les conflits qui existaient dans la période pré-islamique n'étaient donc pas d'ordre religieux, mais tribal. Dans cette société où l'appartenance religieuse compte peu, les juifs sont des arabes comme les autres. Ils aiment réciter de la poésie, monter à cheval et faire la guerre. Il faut dire que les ressources sont si rares dans ces régions arides d'Arabie que la guerre est presque une nécessité. Il faut se battre pour le contrôle des puits, voire, en période de disette, pour simplement trouver de quoi manger. En l'absence de pouvoir central, la survie de chacun dépend entièrement de la tribu. Si elle est puissante, vous existez, sinon vous n'êtes rien. Par le jeu des alliances, deux tribus juives peuvent être amenées à se battre l'une contre l'autre. De même que chaque tribu polythéiste s'accroche à son petit panthéon ancestral, ces tribus juives, pour prendre par exemple celle de Médine, qui vont avoir ce rapport très important avec le prophète, chacune d'elles a son propre panthéon, ses ancêtres, ses chefs. Bon, alors, bien sûr, elles partagent la référence à la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'était que la compréhension de la Torah ? Là, à ce moment-là, on sait très peu de choses. La Torah, tout comme les évangiles, est un bien rare et précieux qui est transporté au travers des déserts par les caravanes chargées d'étoffes et d'épices provenant de Byzance, de Perse ou d'Inde. Ces livres saints qui parlent d'un Dieu unique et puissant, ces textes sacrés, juifs et chrétiens, sont porteurs d'une aura particulière. D'un pouvoir presque magique auprès des polythéistes arabes dont l'écrasante majorité ne sait ni lire ni écrire. On trouve des juifs et des chrétiens à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Arabie. Leurs idées sont présentes, leurs opinions sont présentes. Et surtout, les Arabes éprouvent une certaine inquiétude parce que, contrairement aux Juifs et aux chrétiens, ils n'ont pas de texte sacré. À Byzance et en Éthiopie, le christianisme est religion d'État. En Perse, c'est le zoroastrisme qui est la religion dominante, mais le judaïsme y occupe également une place importante. Le monde que les Arabes du Hedjaz connaissaient est en train de céder à cette idée extrêmement forte du Dieu unique, omnipotent, omniscient. Il est évident qu'il y avait des gens qui cherchaient une nouvelle religion, qui ne voulaient pas accepter le christianisme et qui ne voulaient pas accepter le judaïsme non plus. Pourquoi ? Parce que c'était des tribus fières et elles savaient que Byzance essayait de les contrôler en imposant le christianisme et que la Perse, de l'autre côté, utilisait le judaïsme pour subjuguer les Arabes. Alors il y avait un refus de ces deux religions. Mohammed, Mahomet, n'est ni juif ni chrétien. Âgé de 40 ans, cet habitant de la Mecque est depuis des années à la recherche du Dieu unique dont parlent la Torah et les évangiles. Pourtant, il appartient à la tribu la plus polythéiste qui soit, celle des Koraïch. Les Koraïch tirent leur richesse et leur prestige de la Kaaba, le sanctuaire dont ils ont la charge. Située au cœur de la Mecque, la Kaaba attire en effet de très nombreux pèlerins venus de tout le Hedjaz. La spiritualité occupe une place centrale dans la vie de Mohammed et régulièrement, il effectue des retraites dans une grotte située à quelques kilomètres de la ville. Un jour, il en revient transformé et confie à ses proches qu'une apparition lui a transmis un message divin. C'est un appel de la transcendance, c'est quelque chose qui vient, qui s'impose à lui avec la force d'une évidence irrépressible. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses pensées, ce n'est pas ses sentiments. Et lui, comme tous qui vont l'entourer, et comme tous les musulmans à venir, savent que c'est Dieu qui lui parle. C'est comme ça qu'il ressent les choses. À partir de ce moment, qu'est-ce que cette voix lui dit? Qu'est-ce que ce message lui en vient de faire? C'est de propager une nouvelle religion qui est celle d'un Dieu unique, transcendant, tout-puissant et miséricordieux, qui vient bousculer les croyances les plus fondamentales de la société qui l'entoure. Un petit groupe de fidèles se rassemble autour du nouveau prophète. Ce sont les premiers musulmans, les premiers à croire que Mohammed est chargé de transmettre aux hommes la parole divine. Verset après verset, sourate après sourate, c'est cette parole qui va donner naissance au Coran. En arabe, Coran signifie « récitation ». Et durant bien des années, cette parole restera transmise oralement d'un groupe de fidèles à un autre. Une parole nourrie de références au christianisme et surtout au judaïsme. Où qu'on soit, on a toujours des influences qui arrivent, des histoires qui circulent, surtout dans le monde tribal où on parle beaucoup. On écrit peu, mais on mémorise et on parle beaucoup, donc les histoires, sacrées ou pas, circulaient le long des pistes. Le soir, les gens s'asseyaient autour du feu et des voyageurs qui suivaient les routes commerciales arrivaient. Ils attachaient leurs chevaux, ou plutôt leurs chameaux, et ils s'installaient pour manger et parler de ce qu'ils avaient vu et de leurs croyances. Il ne fait aucun doute que certaines règles alimentaires étaient les mêmes, notamment l'interdiction de manger du porc. La prière était orientée vers Jérusalem, conformément aux règles musulmanes de l'époque. Et bien sûr, le jeûne. Tout cela démontre clairement l'influence du judaïsme sur l'islam des origines. À la Mecque, les premiers musulmans ne sont pas très nombreux, mais cela suffit à perturber les affaires des Koraïch, la tribu polythéiste qui gère le temple de la Kaaba. Le nouveau prophète a beau être un Koraïch comme eux, les chefs de la tribu le voient surtout comme un fauteur de troubles qui vient faire concurrence au polythéisme mécois. La situation pour Mohammed finit par devenir intenable. Il est obligé de quitter la ville. C'est-à-dire que Mohammed devient un homme banni, ce qui est absolument dramatique pour un homme de tribu, être banni de sa famille, être banni, perdre son identité. Bon, on peut dire qu'il a perdu sa carte d'identité, en quelque sorte, hein, mais c'est terrible dans le monde tribal. Du jour au lendemain, les quelques dizaines de musulmans mécois sont contraints de quitter leur ville, de couper la plupart de leurs attaches et de laisser derrière eux l'essentiel de leurs possessions. Cette expérience de la perte et de l'exil va être fondatrice, au point que cette date de l'Hégire, l'émigration en arabe, constituera le début du calendrier musulman. C'est ainsi, dans la douleur du bannissement, que naît véritablement la communauté des croyants. En septembre 622, les musulmans arrivent à Médine. Lorsque le prophète s'est installé à Médine, il s'est retrouvé en contact direct avec une forte présence juive. À l'époque, trois des tribus de Médine étaient juives. Elles composaient une partie importante de la population de la ville. C'est ainsi qu'il est entré en contact direct avec le judaïsme des pratiquants, plutôt qu'avec le judaïsme intellectuel, décrit par les livres, les récits et les histoires. Il semble évident qu'il attendait des Juifs qu'il se rallie à lui, qu'il le reconnaisse en tant que prophète, comme ils en avaient reconnu d'autres auparavant, les prophètes bibliques. Il avait le sentiment que son monothéisme absolu était comparable au judaïsme. Par conséquent, il pensait que les Juifs rejoindraient sa communauté. Les Juifs de Médine exploitent des palmeraies, fabriquent des armes, sont orfèvres ou commerçants. Répartis en trois tribus prospères et relativement puissantes, ils jouent un rôle central dans l'économie et la vie politique de la ville. Dès son arrivée, Mohammed se rapproche des rabbins médinois. Il est à la fois curieux de les entendre raconter les récits bibliques et désireux de se faire reconnaître comme envoyé de Dieu par le plus ancien peuple du livre. Rapidement, Mohammed, ses compagnons et les rabbins s'engagent dans des débats théologiques passionnés. Si les trois tribus juives ont cette complicité immédiate avec le prophète, puisqu'ils reconnaissent tous un Dieu unique, ils auront aussi cet élément conflictuel qu'ils ne le reconnaissent pas comme le dernier prophète de Dieu. Ils ont eu la même réaction avec les chrétiens. Quand les chrétiens ont commencé à dire que le Nouveau Testament était là pour remplacer l'Ancien Testament, les Juifs ont dit non. Et quand Mohammed a dit que le Coran était là pour corriger la Bible juive et le Nouveau Testament, les Juifs ont dit non à nouveau. Résultat, on a ce dialogue de sourds sur cette question capitale qui est liée à sa prophétie. En ce qui concerne les Juifs, les portes de la prophétie sont fermées. C'est une histoire humaine, une histoire qui raconte comment les gens acceptent la révélation, la différence, ou rejettent la différence. Donc, s'il y a eu de l'animosité au sein de la communauté juive, que ce soit à Médine ou dans le Hijaz, comme ça s'appelait à l'époque, c'était une animosité, tout ce qu'il y a de plus normal, naturel. Ces affrontements religieux entre musulmans et juifs médinois n'empêchent pas les alliances, car Médine est sur le point d'être attaquée par les polythéistes de la Mecque. Déjà chef religieux, Mohammed devient également chef politique et militaire. Il fédère sous son commandement les tribus polythéistes et juives de Médine. Malgré leurs différends théologiques avec le prophète, les trois grandes tribus juives de Médine que sont les Banu Kaïnouka, les Banu Nadir et les Banu Kouraïssa se rangent derrière la communauté des musulmans. Mais cette alliance reste fragile car les juifs de Médine ressentent de plus en plus la progression de l'islam comme un danger. D'un point de vue sociologique, on observe qu'à l'avènement de l'islam, la communauté des musulmans a peu à peu supplanté les anciens contrats, les anciennes alliances. Les tribus juives se sont alors senties menacées, car elles perdaient ainsi leur réseau de soutien et de protection. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elles étaient hostiles à la nouvelle religion. C'est la bataille de Badr qui va marquer le début d'un conflit ouvert entre une partie des juifs de Médine et les musulmans. Cette bataille dans laquelle les musulmans étaient nettement inférieurs aux Mécois voit contre toute attente la victoire du camp du prophète. Une victoire obtenue d'après le Coran grâce au soutien d'une armée divine de 3000 anges. Lorsque les troupes, galvanisées par leur succès miraculeux, reviennent à Médine, elles reçoivent un accueil enthousiaste. Mais certains Médinois provoquent les soldats victorieux. Parmi eux, des Juifs. Ces incidents vont dégénérer en un affrontement ouvert entre les musulmans et la tribu juive des Banu Kaïnouka. Les deux autres tribus juives ne leur viennent pas en aide. Et Mohammed doit décider du sort des Banu Kaïnouka. Et ça se termine par la décision, par le prophète, de les bannir. De bannir sept tribus. Et ça se passe assez correctement, on leur donne le temps d'ailleurs de résoudre leurs problèmes, les dettes qu'on leur devait, etc. Ils partent avec ce qu'ils peuvent emporter de bien, y compris pour moitié des dromadaires, des armes. Après avoir banni les Banu Kaïnouka, Mohammed va entrer en opposition avec la tribu des Banu Nadir. À l'issue de ce conflit, le chef des musulmans prononce le bannissement de cette deuxième tribu juive. Il ne reste plus qu'une tribu juive à Médine, les Banu Kouraïssa, qui vont être à leur tour accusés d'avoir trahi l'alliance avec Mohammed. Pour statuer sur leur sort, le prophète décide cette fois-ci de s'en remettre à un arbitre accepté par les deux parties. Le verdict de cet arbitre est impitoyable. Les femmes et les enfants sont vendus comme esclaves, alors que les hommes adultes sont exécutés. C'est pas quelque chose d'original à l'époque, c'était quelque chose qui pouvait se faire, ça faisait partie des mœurs violentes locales comme il peut y en avoir ailleurs dans les guerres. Donc Mohammed, à l'issue de la fin de cette troisième tribu, se trouve débarrassé de ses principaux adversaires, les rabbins médinois. Chacune des confrontations entre les juifs et le prophète a été une étape dans la formation de l'islam. Cette opposition des tribus juives a permis à l'islam de se forger une nouvelle personnalité, une personnalité différente du monothéisme juif, qui au départ avait paru au prophète comme très proche du message qu'il voulait énoncer. « Les conflits théologiques avec les rabbins médinois ont poussé les musulmans à prendre leur distance par rapport à un certain nombre de pratiques empruntées au judaïsme. C'est ainsi que les compagnons de Mohammed vont jeûner durant le mois de Ramadan et non plus à Kippour, comme les juifs. C'est ainsi surtout que la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière, va changer. Dieu a ordonné au prophète de ne plus s'orienter vers Jérusalem, mais vers la Mecque. D'ailleurs, je crois ou je pense que nous pensons qu'à cette époque, l'histoire d'Ismaël et Isaac a commencé à être posée. Parce qu'il fallait trouver une justification aussi pour ce changement. Et dans la mythologie musulmane, on a commencé à voir ou à dire que la Mecque, la Kaaba, a été construite par Ismaël et Abraham. Abraham est d'abord une figure majeure de la Torah. Les Juifs le considèrent comme le père du judaïsme. Mais pour Mohammed, c'est aussi un prophète de l'islam. Au fil des siècles, l'histoire d'Abraham et de ses fils, Ismaël et Isaac, va devenir un sujet de désaccord entre Juifs et musulmans. Pour bien comprendre l'enjeu de cette discorde, il faut revenir aux sources de l'histoire d'Abraham. Dans la Torah, Abraham et sa femme Sarah vieillissent, malheureusement sans descendance. Jusqu'à ce qu'Abraham se résolve à avoir un enfant avec Agar, la servante égyptienne de sa femme. Ce fils, ce sera Ismaël. Puis à l'âge de 99 ans, grâce à une intervention divine, Abraham a finalement un enfant de sa femme Sarah, un autre fils, Isaac. Jalouse, Sarah exige le départ d'Ismaël et de sa mère. Il plaît alors à Dieu de mettre la foi d'Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils, Isaac. Abraham est sur le point d'égorger son fils quand Dieu arrête son bras et lui accorde le sacrifice d'un mouton en lieu et place d'Isaac. Mais dans la tradition islamique, l'histoire n'est pas tout à fait la même. Abraham s'appelle Ibrahim et le fils qu'il s'apprête à sacrifier n'est pas Isaac, mais Ismaël, le fils de Hagar, l'égyptienne, considéré comme l'ancêtre des Arabes. Alors, pour les Arabes, avoir un ancêtre comme Ismaël, ça signifiait qu'ils appartenaient aussi à ce groupe de peuples bénis par Dieu. Il ne fallait pas laisser le monopole aux Juifs qui étaient là, le monopole de sacralité aux Juifs qui étaient là. Le lien qui relie Mohammed à Abraham est en réalité une filiation d'ordre spirituel. Pas en termes de lignée ou de parenté, mais vraiment en termes de croyance. Abraham est considéré comme étant le premier musulman, le premier à se soumettre au Dieu unique. Et dans l'islam, Abraham est un patriarche plein d'amour. Selon le Coran, Abraham, Ibrahim, est désormais le patriarche par excellence. Celui qui a fondé le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque avec son fils Ismaël. Un sanctuaire que les musulmans ont donc le devoir de reprendre aux polythéistes qui l'ont profané en y installant leurs multiples divinités. Huit ans après avoir été chassé de la Mecque par les Quraysh, Mohammed s'empare de sa ville natale. La capitale des idoles devient alors la ville sainte des musulmans. Démoralisé par les victoires successives de l'armée du prophète et le nombre croissant de conversions à l'islam, les Mécois se sont rendus sans combattre. Ça n'a pas été le cas des Juifs de l'oasis de Khaïbar. C'est là que s'étaient réfugiés les Banu Nadir, la puissante tribu juive que le prophète avait bannie de Médine. À la fois agriculteurs et guerriers, ils ont fait de l'oasis dominée par une forteresse une place aussi riche qu'imprenable. Au terme d'un long siège, Mohamed remporte la victoire. Reste à décider du sort des vaincus. C'est alors que les Banu Nadir proposent au prophète de les épargner et de les laisser pratiquer leur religion en échange d'un impôt. Mohamed accepte ce marché qui transforme ses adversaires en source de richesse. À l'issue de chaque victoire, et parfois même sans combat, des traités de ce type vont être conclus par les tribus juives et chrétiennes qui tombent sous la domination musulmane. La généralisation de ces traités va donner naissance au statut de la Dhimma, qui en arabe signifie à la fois soumission et protection. Ce dont il s'agit ici, c'est tout simplement de la vieille tradition arabe de protection. Même à l'époque pré-islamique, quand vous rejoignez une tribu dont vous n'êtes pas membre, la tribu vous protège. Ça induit automatiquement un statut d'infériorité. Aujourd'hui encore, les restrictions imposées à un peuple sous occupation s'expliquent très souvent par un contexte militaire. Par exemple, l'interdiction de monter à cheval était une interdiction d'ordre purement militaire, logique à une époque où l'on utilisait les chevaux pour la guerre. L'interdiction de porter des épées ou toute arme, quelle qu'elle soit, est clairement une prescription militaire. Le terme « Dhimma » n'était pas uniquement un terme juridique, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Pour les musulmans, il revêtait un large sens théologique. Cela voulait dire qu'en persécutant un dhimmi, vous brisiez la promesse faite à Dieu. Dans ce cas, le prophète intercéderait en faveur du dhimmi, le juif ou le chrétien, contre vous, le musulman. En 632, soit 10 ans après l'arrivée de Mohammed à Médine et 22 ans après la révélation de sa mission divine, le prophète tombe malade et meurt. La communauté doit se donner un nouveau chef. Ce sera son plus proche compagnon, Abou Bakr. Nommé calife, il poursuit le mouvement de conquête initié par Mohammed. À la mort d'Abou Bakr, Omar ibn al-Khattab, un autre proche compagnon de Mohammed, lui succède. Sous son commandement, le territoire des musulmans va s'étendre jusqu'à Benghazi à l'ouest et jusqu'à Isfahan à l'est. En Arabie musulmane, Omar, le nouveau calife, décide de revenir sur le statut de la Dima dans la péninsule. Autour de l'an 642, Omar, le deuxième calife, prétend que dans son dernier testament, Mohammed lui a dit d'expulser tous les juifs du Hijaz, ce qui était une affirmation douteuse. Quoi qu'il en soit, il expulse les derniers juifs de Kébar qui partent alors vers le nord. C'est dans cette période de l'expulsion des juifs d'Arabie qu'apparaît Ka'ab al-Ahbar, un juif yéménite converti à l'islam. Il a traversé la moitié de la péninsule pour rejoindre Médine, le siège du califat, où il s'apprête à marquer profondément la tradition musulmane. Ka'ab al-Ahbar est un personnage fascinant. Son nom signifie l'associé. Mais l'associé de quoi? Selon certaines théories, il était l'associé d'un midrash ou d'une médersa, une école juive. Ce qui veut dire qu'il avait une sorte d'autorité rabbinique ou une éducation rabbinique. Il semble qu'avant sa conversion à l'islam, Ka'ab al-Ahbar était un érudit juif. Et qu'une fois converti, il aurait joué un rôle très actif dans l'enseignement de la tradition juive aux musulmans. De nombreux écrits le décrivent comme un très grand érudit juif. Ka'ab al-Ahbar tombe à point nommé. Grâce à son éducation juive, il maîtrise la tradition hébraïque. C'est lui qui va nourrir l'interprétation du Coran, des récits populaires et bibliques issus de la culture juive. Grâce à lui, les premiers musulmans se familiarisent avec les grandes figures du judaïsme. Moïse devient Moussa. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, devient Youssef. Le roi David devient Daoud. Et son fils Salomon, qui a bâti le temple de Jérusalem, devient Souleymane. Les récits de Ka'ab al-Ahbar et de ses continuateurs sont connus sous le nom d'Israéliat. C'est par ces récits que des pans entiers de la tradition juive sont devenus partie intégrante de la culture musulmane. Il s'agit de récits à propos des Juifs en général, des traditions. En réalité, ces traditions ne sont pas toutes entièrement juives, mais on peut y déceler une origine juive. Il en a probablement inventé certaines. Ou alors, il utilisait des sources qui se sont perdues depuis. Les musulmans ne croient même pas à une partie de ces récits. Certains spécialistes des hadiths ont même dit « Oui, bon, il ne faut pas croire tout ce que raconte Ka'ab al-Ahbar ». Certains exégètes et commentateurs musulmans y ont vu une judaïsation de l'islam et se sont méfiés quant à l'authenticité de ces traditions. Donc, en fonction des points de vue, certains commentateurs ont discrédité l'héritage de Ka'ab al-Ahbar et d'autres y ont vu une conversion sincère qui a apporté énormément de connaissances spécifiques aux musulmans afin de les aider à mieux comprendre l'histoire sacrée. Aujourd'hui, la version qui circule est en fait un récit musulman. Il ne s'agit pas seulement de morceaux de tradition juive greffés sur la tradition islamique. Lorsque ces éléments arrivent, ils sont retravaillés et on leur confère une saveur, un parfum et une texture musulmane. Ka'ab al-Ahbar devient rapidement un proche conseiller du calife Omar. On pense qu'il est à ses côtés en 636 quand les armées musulmanes s'emparent de Jérusalem, alors sous domination chrétienne. L'histoire raconte que Ka'ab al-Ahbar aurait conduit le calife sur le mont du Temple, à l'endroit même où la tradition juive situe le sacrifice d'Abraham. Le calife arrive à l'emplacement du temple. Cet emplacement du temple qui, d'après la tradition, a été rempli de tonnes de détritus. Et l'une de ses premières actions, ça a été de nettoyer le temple ou de nettoyer l'emplacement du temple. Pour beaucoup de juifs, cette arrivée elle-même était un avènement. C'était un signe de l'avènement de temps nouveau, pour ne pas dire messianique. Donc beaucoup de juifs, surtout ceux de Jérusalem, ont accueilli avec beaucoup d'émotion l'arrivée du calife à Jérusalem. Pour les chrétiens qui contrôlaient la ville jusqu'à l'arrivée d'Omar, Jérusalem est aussi une ville sainte. Celle de la crucifixion de Jésus. Pourtant, le patriarche Sophronios, chef des chrétiens de Jérusalem, accueille respectueusement le calife Omar. Lorsque les armées du calife entrent dans Jérusalem, le patriarche de Jérusalem, je crois qu'il s'appelait Sophronios, a accueilli le calife et l'a invité à entrer dans la grande église de Jérusalem. Mais le calife a dit non. Parce que si j'entre dans cette église, une fois que je serai parti, beaucoup de nos disciples diront « Le calife a pénétré dans cet endroit, donc nous le transformerons en mosquée. Ceci ne doit pas se produire pour cette église, donc venez à ma rencontre. » Alors il est sorti à sa rencontre, très étonné que l'idée leur fût même venue de transformer l'église en mosquée. Mais le calife, bien entendu, savait très bien ce qu'il en était. Donc, même au tout début, les chefs religieux de l'islam comprenaient combien il était important d'essayer de vivre en paix avec nos voisins chrétiens et juifs. Après la mort du calife Omar, en 644, le mouvement d'expansion ne s'interrompt pas, s'étendant toujours plus loin à l'est et à l'ouest. En quelques années, les conquérants musulmans se sont emparés de la Perse sassanide, l'un des plus grands empires de l'époque, et ont sérieusement mis à mal l'empire byzantin. Ce succès stupéfiant n'est pas dû qu'à la force des armes. Il a également beaucoup à voir avec la nature alors révolutionnaire du message de l'islam. Le message de l'islam, si on l'étudie de manière froide et analytique, le message de l'islam, c'était l'égalité. Et ce message s'exprimait dans les termes suivants : nous sommes tous égaux devant Dieu. L'enchaînement rapide des victoires oblige les conquérants musulmans à trouver dans l'urgence des solutions concrètes pour faire fonctionner d'immenses territoires. Pour cela, il leur faut recourir aux élites locales, qui sont très souvent chrétiennes ou juives. Le système de la Dhimma fonctionnait très bien. D'abord parce que ça mettait fin aux affrontements. À moins qu'une ville en particulier ne décide de lutter jusqu'au bout. Ce qui arrivait parfois, mais pas très souvent. Et ensuite parce que les musulmans devaient se montrer pragmatiques. Plutôt que d'évincer tous les membres de la classe dirigeante, ils les ont utilisés. Et ils ont ainsi permis aux Grecs et aux Perses sassanides de continuer à occuper les mêmes responsabilités qu'auparavant et d'administrer l'Empire. ce qui a permis aux musulmans de poursuivre leur avancée alors que les territoires déjà conquis étaient pacifiés. L'Afrique du Nord était devenue chrétienne en même temps que Rome au IVe siècle. Une partie de la population est cependant restée polythéiste et il existe une minorité juive importante. Une partie de ces juifs s'était intégrée à la population locale berbère, surtout dans les montagnes. C'est justement des montagnes que viendra la résistance la plus farouche à l'invasion musulmane, sous l'impulsion de la Kaïna, une reine berbère dont il se dit qu'elle était juive. Cette reine constitue jusqu'à nos jours un héritage partagé entre juifs et musulmans d'Afrique du Nord. Un héritage qui relève plus de la mémoire que de l'histoire. En fait, les sources historiques ont prouvé depuis longtemps que cette Kaïna n'était absolument pas juive et que la Kaïna, c'était tout simplement une berbère locale, une reine berbère locale, peut-être chrétienne d'ailleurs, vu les noms de ses enfants, et que les juifs n'avaient pas du tout voix au chapitre dans cette affaire. Mieux encore, la Kaïna, d'après certaines traditions juives, aurait massacré les communautés juives de la région avec la même ampleur, avec la même joie qu'elle a fait pour les conquérants, les combattants arabes qui lui tombaient entre les mains. La conquête de l'Afrique du Nord est longue et difficile. Mais au bout de près d'un demi-siècle, les envahisseurs musulmans contrôlent l'ensemble de la région. Après les avoir combattus avec ardeur, les élites locales berbères ont fini par se rallier aux musulmans arabes. Ainsi, c'est Tariq ibn Ziyad, un général berbère, qui prend la tête des armées musulmanes. En 711, Tariq ibn Ziyad traverse le détroit qui va prendre son nom. Gibraltar vient en effet de Jebel Tariq, la montagne de Tariq. En face, le royaume chrétien wisigoth d'Espagne est en mauvais état. Une épidémie de peste a fait des ravages et le pouvoir catholique prétexte de ce fléau pour persécuter les juifs, les accusant d'avoir attiré la colère de Dieu sur l'Espagne. Les Visigoths étaient devenus incroyablement impopulaires en raison de leurs exactions et de leurs pillages. Donc, quand cette minuscule armée menée par Moussa et Tariq est entrée en Espagne par Gibraltar, elle fut accueillie chaleureusement par la population. Sinon, ils n'auraient jamais gagné. Et la plupart des Juifs les ont accueillis en disant « Dieu soit loué, vous êtes venus nous sauver de cette monstruosité ». Donc la conquête fut en effet très rapide. Ces Juifs sont en effet persécutés, entendons que les Visigoths, le royaume Visigoth s'efforce de les convertir déjà de force, comme s'y efforcera bien des siècles plus tard l'Espagne chrétienne, et que à cette conversion de force, ils opposent une sorte de résistance passive, mais qui va devenir, semble-t-il, une résistance active au moment de la conquête arabe. Pour ces juifs opprimés, les envahisseurs musulmans représentent un immense espoir. Pour les musulmans peu nombreux, les juifs sont des alliés indispensables pour gagner la guerre contre les chrétiens. Il faut donc les armer, même si cela va contre la règle islamique de la Dima qui veut que les juifs n'aient pas le droit de porter les armes. Il faudra à peine 10 ans pour que Al-Andalus, comme les Arabes appellent l'Espagne, soit conquise par les musulmans. Il s'est passé tout juste un siècle depuis le début de la prédication de Mohammed. Et l'empire musulman, dont la capitale est à Damas, s'étend sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Personne n'aurait pu prédire à l'époque que les Bédouins, des hommes des tribus de la péninsule arabique, pourraient un jour diriger et unifier un empire entier qui intégrerait en son sein l'ancien Proche-Orient et la plus grande partie de ce qui avait été l'Empire romain en Méditerranée. Mais une fois que ce fut accompli, cela a changé la nature et l'histoire de toute cette région en l'unifiant encore plus. Dans cet empire, les musulmans vivent en paix avec les minorités juives et chrétiennes. À Bagdad, au Caire et à Cordoue, c'est justement cette pluralité de cultures et de religions qui va donner naissance à l'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Voilà, alors, Jean, je t'en prie. Voilà. Nous appelons ton invité. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Merci. Voilà. Je ne dirai pas votre nom parce que vous exercez une profession qui, finalement, est une profession d'un genre un peu particulier et vous tenez à garder l'anonymat. C'est exact, oui. C'est ça. Alors, je crois qu'il faut dire tout de suite votre profession. Elle est bizarre. Je ne croyais pas que ça existait. Finalement, vous êtes très, très nombreux à l'exercer. Vous êtes... Je suis manifestant professionnel. Alors, vous manifestez, donc, en quoi ça consiste, enfin, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais enfin... Oui, mais écoutez, simplement, pour être manifestant professionnel, il faut d'abord faire des études. Oui, hein. Je veux dire que vous manifestez, d'abord, il faut me dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices, qui voudraient protester, oui. Et qui, finalement, n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent. Alors, c'est notre but. Il y a des tas de gens qui disent, moi, je ferais bien la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Alors, et là, c'est la même chose pour les manifestations. Nous devons nous trouver dans tous les endroits où il y a groupe. Oui. Vous voyez, dans toutes les petites réunions, absolument partout. Vous faites de la petite réunion de 5-6 personnes jusqu'au grand meeting à Charletti. Nous essayons au maximum de bourrer. D'accord, très bien. Alors, pour être manifestant professionnel, il faut faire des études. Alors, c'est ça. Alors, il faut passer d'abord par une école. Oui. Cette école s'appelle l'IDEM, oui. L'Institut des hautes études de manifestation. Bien. Alors là, je crois que c'est un cycle de 2 années. C'est ça, vous avez un cycle de 2 années d'études. Il y a 2 années d'études. Qu'est-ce que vous faites pendant la première ? Mais pendant la première, forcément, ce sont des cours théoriques, naturellement. Oui. Vous avez apprentissage et confection de la banderole, oui. Confection de pancartes. Oui. Vous avez aussi apprentissage de slogans, oui. De slogans politiques, oui, tels que « Paix en Israël », ou « Rehausser les salaires », oui. Ou encore « Cherbourg avec nous ». C'est ça, oui. Vous avez... Les vedettes ne passeront pas. Enfin, c'est ça. Aussi par la limon, ma tête est malade. Exactement, oui. Enfin, toutes ces choses qu'on se doit de connaître au cours d'une manifestation. Je crois que ça, c'est uniquement la théorie. Ça, c'est la théorie. La théorie, comment faire les banderoles, comment tenir le... C'est ça, le fanion. Le fanion, mais uniquement alors par des dessins et par des notes que vous prenez. Et la deuxième année, c'est les travaux pratiques. C'est ça, la deuxième année, c'est carrément la pratique. Alors, vous avez formation de cortège, déformation de cortège. Vous avez des stages dans les formations politiques de gauche et de droite, oui. N'est-ce pas ? Et vous avez lancement du pavé. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez, j'imagine que vous avez également protection contre la matraque. Vous m'avez coupé la parole, oui, mais c'est sûr, exactement c'est ce que je voulais est-ce dire. Que vous avez, est-ce que vous avez utilisation du couvercle de poubelle Surtout. Choses comme ça. Surtout la poubelle, et vous avez aussi, apprentissage de confection de cocktails Molotov. Ah oui, c'est intéressant. C'est très important. Je suppose que le port du casque est obligatoire. Enfin, obligatoire. Je dis ça pour les jeunes gens, pour les parents qui voudraient que leurs enfants deviennent manifestants professionnels. C'est au départ, pendant tous les exercices pratiques, c'est pas dangereux. Pas du tout. Non. Et alors, est-ce qu'en fin d'année, vous avez des diplômes? Ah oui, alors en fin d'année, ça bien sûr. En fin d'année, ça récompense bien sûr les meilleurs élèves. Oui. Vous avez par exemple le prix Georges Segui, oui. Qui récompense le meilleur manifestant de gauche, oui. Ou le meilleur coupeur de courant. Oui. Vous avez ensuite le prix Tixier-Vignancourt. Qui récompense le meilleur manifestant de droite. De droite, et, oui. Remise du courant par la même occasion. Exactement. Je ne vous le fais pas dire. Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie. Je m'excuse, là, je vais être obligé d'arrêter l'interview parce que là, j'ai une manifestation à 8h pour la paix en Israël et à 9h pour El Fatah, alors forcément. Oui, d'accord. Écoutez, une dernière petite question, juste puisque vous partez. Qu'est-ce qui se passe parce qu'il peut y avoir des retards. Imaginez, par exemple, que la manifestation d'Israël se termine à 9h15, 9h20 seulement. Alors, c'est un problème parce qu'il n'y a plus personne à l'autre manifestation. Bien sûr. Bah, écoutez, alors à ce moment-là, on se fait remplacer. On peut se faire remplacer. Ah oui,

les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Une petite revue de presse, petite, hein, parce que c'est vrai que ça ne manque pas de matière, des événements, ils s'en passent ici et ailleurs, hein, des importants, des moins importants et des très très importants. Alors, une revue de presse par semaine, c'est vrai que c'est un peu court, hein, mais bon, voilà. Alors, mes condoléances aux employés que Tapi a viré. Entre 1981 et 1986, Manu France, La Vie Claire, Terraillon, Testu, Look, Vonder ont été rachetés par Tapi le Sauveur, entre guillemets le Sauveur, pour un franc symbolique, avec d'immenses dégâts sociaux à la clé. Licenciements, divorces, suicides, etc. Ces entreprises qui étaient de véritables fleurons français. L'entrepreneur-chanteur Gouailleur s'en est débarrassé sans état d'âme en empochant de substantiels plus-value. Pour récompense, il était ministre d'un gouvernement socialiste, enfin qui se disait socialiste, hein, parce que je peux me dire écolo, je peux me dire socialiste, je peux me dire ce qu'on voudra, hein, encore faudrait-il le prouver. Alors tiens, là, un titre, jeudi 30 septembre 2021, burn-out, entre guillemets, virgule, bore-out, entre guillemets, ou brown out. Voilà. Alors, je lirai pas l'article qui suit. À partir du moment où on a les titres, ça suffit. On sait de quoi il s'agit. Alors, il y a un petit malin qui a rajouté au crayon à côté, in Französisch, bitte schön. English, immer. Hein? Ah oui. English. 10,5. La France a tenu ses pires années de chômage entre 2013 et fin 2015, avec 10,5 millions de chômeurs. il y avait 10,5 millions de chômeurs à cette époque-là. Actuellement, on est entre 6 et 7 millions. Bon, rappelons que 6 ou 7 millions de chômeurs, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour beaucoup de monde. Pour les chômeurs, pour leurs familles, pour leurs enfants, et puis pour le reste du pays de manière générale. Rappelons qu'il y avait 6 millions de chômeurs en 1933 en Allemagne. Il y a eu des élections, et Adolf Hitler a été élu. Ben oui, à cause du chômage. Et à cause du chômage, Hitler a fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 65 millions de personnes. Alors les gens qui ont voté pour lui, eh ben ils ont tous eu un mort dans leur famille. Ben oui, parce qu'il y a eu un Allemand sur 6 qui est mort des suites de cette guerre. Oui, ben oui, c'était eux qui ont eu le plus de morts en proportion de leur population. Ben oui, vous direz, c'est normal, ils sont responsables. Enfin, bon, quand même, pour un bulletin, tout ça pour un bulletin de vote. Faut faire très attention, un bulletin de vote, ça n'a l'air de rien, c'est un petit bout de papier comme ça, on dit, oh, si je me trompe, ben, les autres, ils se tromperont dans l'autre sens, ça rétablira l'équilibre. Eh oui, mais voilà, les autres, ils sont comme nous, ils sont influencés par la même presse, par la même radio, par la même télé. Hein? Alors, ils risquent de faire, si on fait une ânerie, ben, ils risquent de faire la même ânerie que nous. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Favoritisme, deux collaborateurs de Masseret jugés en décembre. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, hein. On s'en... Hein, ben oui. Sous les pavés et la plage, alors, des slogans qui paraissaient en 68 et puis un peu après. Sous les pavés, virgule, la plage. Un autre, il est interdit d'interdire. L'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera. À partir de demain, point de suspension à la ligne, ce sera comme d'habitude. Le changement, oui. La chirurgie, non. Qui avait dit ça? Allez. Le premier qui répond, eh ben, il aura une récompense. Quand on lui montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ça, c'est un vieux proverbe chinois. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les vraies radios servent à normaliser les idées, les gens. Les radios libres devraient commencer à tenter de permettre aux auditeurs de se libérer un peu. Europe 2016, un maillot officiel à l'image des réformes. Prix de vente 85 euros. Fabrication 5,85 euros. Revenu ouvrier 0,65 euros. Célébrons ensemble l'esclavagisme moderne. Ouais, oui. Le foot et les sports, la pub qui va avec, les vêtements qui vont avec, tout ça, c'est... Ben oui, ça renforce... Enfin, bref. No comment, dirait l'autre. Le capitalisme coupe l'arbre dont il ne peut vendre l'ombre. C'est signé De Gaulle ? Non, pas De Gaulle, non. Karl Marx. Alors, autre chose... Ah, un papier qui tombe. Autre chose, Johnny Hallyday remboursera 140 000 euros au fisc. Ça, c'est un vieux journal, hein. Et du 15 février 2017. Eh oui. Oh, les choses, les jours, les années passent. Et puis, les événements se ressemblent souvent. Les politiciennes, maintenant, valent à peine mieux que les politiciennes d'autrefois. Quelquefois, même, ils sont pires. Eh oui, il y en a qui ne servent à rien. Mais à rien du tout. À rien. Rien, rien. Vous rendez compte? Hein, on a voté, et ça sert à rien. Alors, une pancarte, sur un mur, hein, défense de, c'était marqué de déposer des ordures, sous peine d'amende, etc., règlement sanitaire, département, Alors, il y a un petit farceur qui, avec un gros crayon rouge, a barré de déposer, et qui a écrit à côté délire. Défense, délire, des ordures. Oh, ça c'est la mauvaise plaisanterie, hein. Oh oui, c'est méchant, hein. Oh là là. Vosges. Alors ça, c'est Vosges Matin du samedi 2 octobre 2021. Augmentation des retraites. Près de 200 manifestants dans les rues d'Épinal. Alors il y a au moins 2000 retraités dans les Vosges, hein. Ouais, il paraît que même qu'il y en aurait 20 000, hein. Mais bon, allez, on en est 20 à 0. Et alors ça veut dire qu'il y en a seulement 1 sur 1000 qui se bougent. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans, qui ont un état de santé, qui ont des moyens de transport, etc., qui font que, et puis qui commencent à se dire que oui, les manifs avec Macron, ça sert pas à grand chose. Ou alors, il faudrait vraiment la manifestation. Là. Une vraie manifestation. Hein, ouais, avec énormément de monde. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un tract de réseau sortir du nucléaire. Eh oui. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Ensuite, alors un autre journal encore un peu ancien, c'est attendez, je retrouve la page, c'est la liberté de l'Est du mardi 3 mai 2016. Alors il y a la bourse qui prend plus d'un tiers de page. Maintenant, la bourse, elle prend à peine un petit quart de page. Hein. Oh oui, maintenant, il n'y a plus besoin des journaux pour la bourse. Ah oui, avec Internet, avec tout ça, voilà. Hein. Il y a 80 ans, le Front Populaire, histoire, c'était le 3 mai 1936. 80 ans, le Front Populaire. Et puis, affaire du grêle. Affaire du grêlé. Oh, c'est quoi? On dirait un truc un peu codé. Affaire du grêlé, l'ex-gendarme qui s'est suicidé, eh bien, le tueur. Eh oui, c'était un tueur en série, hein, qui a martyrisé des jeunes, qui les a assassinés, et il était policier et gendarme. L'un après l'autre, hein, voilà. Oui, bon, ben, voilà, hein. No comment, dirait l'autre. Big Malion, Sarkozy condamné à un an ferme. Ah, tiens, lui aussi, représentant de l'ordre de l'ordre et de la sécurité, etc., il est, enfin, bon. L'Europe des affameurs, un accord commercial signé en 2001 entre l'Union européenne et 49 pays pauvres, débouche 12 ans plus tard, sur la colonisation de ces pays par les firmes multinationale de l'agrobusiness. Eh oui, la vie nouvelle, c'était le titre du journal, la vie nouvelle. Ensuite, suicide à France Télécom, un ex-cadre lorrain mis en examen. Alors, comment un cadre peut-il être responsable de suicide? Moi, je vous demande un peu. En quoi les cadres sont-ils responsables du suicide des salariés qui sont sous leurs ordres? Allons. La nouvelle tête des Verts. Le Parti écologiste renoue avec les affrontements internes. Au congrès de Caen, Cécile Duflot a imposé sa motion majoritaire et sa candidate Emma Kos à la tête d'un parti Europe Écologie Les Verts divisé. Ah oui, mais c'est ancien ça. C'est le Vosges Matin du dimanche 1er décembre 2013. Oh, bon, allons. Mittal prépare l'assaut sur Arcelor. Alors ça, c'est le premier sidérurgiste du monde peaufine sa nouvelle offre après avoir sondé ses actionnaires et ceux du sidérurgiste européen. Voilà. Mittal, Arcelor. C'était... Ah oui, mais c'est l'histoire ancienne, ça. Ah oui, c'est oublié. Ah oui, mais de temps en temps, j'aime bien rappeler des choses qu'on a tous oubliées, ou presque... Oui, vendredi 12 mai 2006, des gens fabriquaient de la misère à l'époque. Eh oui, de plus en plus de misère. Il y avait de plus en plus de Français et d'autres, pas qu'en France, hein, qui tombaient dans la misère. Gloire à nos gouverneurs, gloire à nos gouvernants, gloire à nos politiciens, nos députés, nos sénateurs, nos ministres, tout ça. Tous ces gens-là qu'on leur paye très cher pour qu'ils fabriquent du malheur. Tire d'un missile en Bretagne. Il voit dans ce tir un immense gaspillage. Aujourd'hui, avec ce que l'on vient de vivre, l'épidémie, on était en droit de s'attendre plutôt à un plan d'urgence du côté hospitalier ou des investissements pour l'écologie et la protection de la planète. Il ajoute un missile M51. Cela coûte 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, c'est le salaire brut annuel de 7500 infirmières ou 24 000 respirateurs médicaux. Chaque M51 porte 6 bombes atomiques dont chacune peut détruire une ville comme Paris en quelques secondes. L'État français et son armée sont une pandémie à eux seuls. Plans sociaux prévus en France. Air France, 7580 emplois. Airbus, 5000 emplois. Renault, 4600. Nokia, 1233. Sanofi, 1000. TUI, 583. Next Radio TV, 580. Sogeclair Aérospace, 245 emplois. Technicolor, 110 emplois. D'autres plans sociaux partout en France. C'est un document déjà un peu ancien, mais qui est toujours d'actualité. Toujours en application. On fabrique du chômage, on fabrique des chômeurs, on fabrique de la misère. Bravo, messieurs les gouvernants. Bravo, messieurs les responsables. Vous êtes responsables, hein, au plein sens du terme. Eh oui, rappelez-vous la constitution de 1792, article 35 disait « Lorsque le peuple n'obtient pas la justice, il a le droit et l'impérieux devoir, il a le droit et l'impérieux devoir de faire justice lui-même. » On repasse au franc. Alors, on remet tout en franc. Allez, on remet tout en franc. Juste pour rigoler et voir si on achèterait à ce prix-là. Les pommes de terre, 24,60 francs. Le sac de 2,5 kg. Le carburant, 9,15 francs le litre de gasoil. Le paquet de cigarettes, environ 40 francs le paquet. La baguette, 6,25 francs. La place de cinéma, 72 francs 16. Le menu ouvrier avec son steak pommes frites, 75 francs. Le timbre poste, 3,80 francs. Le café expresso, etc. J'en passe. Hein? Oui. Mais le passage à l'euro, ça a permis d'augmenter les prix, sans augmenter les salaires, de façon, enfin, voilà. Les traîtres ont pu faire ce qu'ils voulaient. La France est un pays riche en pauvres. La France compte beaucoup de pauvres. Les grands médias, le service après-vente des grands partis, un peu comme les instituts de sondage. Quand Nicolas Sarkozy sort un bouquet, il était invité à 20h, aux 20h de TF1. Quand il passe 3 jours devant les juges sur le financement libyen de sa campagne, pas un mot. Vous avez choisi de faire de nouveau de l'immigré la figure du bouc émissaire des problèmes du pays. L'immigré plutôt que le financier qui pille notre pays. L'immigré plutôt que le fraudeur du fisc qui vole chaque année 80 à 100 milliards au pays. L'immigré plutôt que les corrompus qui ont bradé l'industrie du pays à l'étranger. Signé Jean-Luc Mélenchon, discours à l'Assemblée nationale du 7 octobre 2019. Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. C'est ce qu'écrivait Montaigne il y a 5 siècles. Gilles Belleros. Il y a 75 ans, on a demandé à Hermann Göring, lors du procès de Nuremberg, vous savez, le procès où on a jugé un certain nombre de criminels nazis. Oh, un petit nombre. Comment les Allemands avaient pu accepter tout cela? Il a répondu, 2 points, ouvrons les guillemets, c'est lui qui parle. C'est très facile. Et ça n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, socialiste, communiste, dans une monarchie ou une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Eh oui, voilà. L'État a vendu Alstom, Technip, Lafarge, les ciments, Thomson, électronique, Alcatel, câble sous-marin, STX, paquebot, Péchidé, aluminium, Arcelor, fonderie, autoroute, Suez, gaz. Il vend aussi à Aéroport de Paris, Française des Jeux, Engie, gaz, SNCF, EDF, RATP, Saint-Gobain, matériaux, Paribas, banque, CCF, finance, TF1, médias, Havas, communication, Matra, mécanique, France Télécom, Orange, etc. C'est la liquidation du travail de plusieurs générations de Français. Voilà. C'est pas horrible, ça? Bon, c'est comme vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, la décision de Nixon du 15 août 1971 de rompre la convertibilité du dollar en or a plongé le monde et insiste sur le fait que toute l'histoire des sociétés humaines a été faite de dettes annulées. Voilà. 45 minutes d'entretien et pas une question pour savoir ce qu'a fait Macron au cours des 7 derniers mois pour augmenter le nombre de lits en réanimation ou pour soulager les soignants. Des journalistes, point d'interrogation. Non, deux points. Des paillassons, point d'exclamation. Mais 1961, une partie de l'aide du préfet Maurice Grimaud, écrit par les FDP. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation, lorsqu'ils sont conduits dans les locaux de police pour y être interrogés. Je sais, ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-même, vous le reconnaissez. Maurice Grimaud, préfet de police, en 1968. Je n'ai pas lu tout le papier, hein, parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire. Il faut faire court. Le groupe vosgien Ferguson fait rimer confinement et création. Alors, Ferguson, Fergis mein nicht. Grand test. Jean Ingré et Jean Rotner sur Public Sénat vendredi. C'était le jeudi 4 février 2021. Bon, on a loupé ça. Oh, dommage. Hein? Dommage. Le pass sanitaire pourrait être maintenu jusqu'à l'été, après les élections. Hôpital, 5700 lits supprimés en 2020. 5700 lits supprimés en 2020. Ben écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Hein? Oh oui, parce que... Hein? Que des nouvelles comme ça. Et encore, je n'en ai retenu qu'une petite partie. Hein? Voilà, bonsoir et bonne nuit quand même.